une douce et Dedina Forest. Il y a une rio que rajo, Dedina Forest. Il y a une rio que rajo, ay mama, c'est sa bièce, comme le rio fazier en veg, ay mama, c'est sa bièce, comme les gens si souré campa, voulien tout croupar. La terre et les arbres, voulien tout croupar. La terre et les arbres, ay mama, c'est sa bièce, comme le rio fazier en veg, ay mama, c'est sa bièce, comme les gens si souré campa, voulien tout croupar. Dedin lo buscaji, voulien tout coupa. Dedin lo buscaji, ay mama, c'est sa bièce, comme le riu fazier en veg, ay mama, c'est sa bièce, comme les gens si souré campa, voulien à sécar. L'uriu sauvage, voulien à sécar. L'uriu sauvage, ay mama, c'est sa bièce, comme le riu fazier en veg, ay mama. C'est sa bièce, comme les gens si souré campa. Vous lien à ce calouri ou sauvage. Vous lien à ce calouri ou sauvage. Vous lien à ce calouri ou sauvage. Vous lien à ce calouri ou sauvage. Vous lien à ce calouri ou sauvage. Vous lien à ce calouri ou sauvage. Aïe maman. C'est sa bièce, comme le riu fazier en veg, ay mama, c'est sa bièce, comme les gens si souré campa.